Pour commencer, sans formalité, un très grand remerciement aux organisateurs pour le colloque, pour m'avoir invité, j'allais dire, non pas à faire les conclusions, mais à m'astreindre à écouter attentivement et de façon très concentrée les quelques 22 ou 25, je n'ai plus le compte en tête, contributions qui ont été présentées durant ces 2 jours et demi. Je suis un historien des aristocraties dans l'Europe moderne. Et en ces sens, ce sujet ou les sujets qui ont été abordés sont pour moi tout à fait centraux, même si je ne suis pas au cœur du dispositif intellectuel qui a construit ce colloque. Et en ce sens, je crois avoir bien compris, c'est pour ça que j'ai modestement accepté l'intention des organisateurs, apporter un regard un petit peu décentré, avec peut-être quelques naïvetés et certainement beaucoup d'inexpérience. J'ai conscience des risques que je prends, ils sont modestes. J'espère simplement ne pas m'attirer trop de fulminations éternelles et d'inimitié qui dureraient de façon trop longue. D'entrée de jeu, sans plus attendre, d'abord, je l'ai dit, des vraies félicitations aux organisateurs, parce que je pense que la réussite d'un colloque est d'abord liée à la préparation qui l'a précédée. Et là, j'ai la preuve de l'efficacité. Je connaissais les talents parmi les organisateurs d'Anne-Madeleine Goulet. C'est une équipe et j'adresse mes félicitations à toute l'équipe. C'est-à-dire demander aux intervenants, non pas d'intervenir sur un objet et de leur laisser le soin. Totalement par eux-mêmes de le définir, mais sur une question problématisée dont la formulation restait ouverte. C'est ça, je crois, la clé du succès. Et cette formulation ouverte a donné une solide cohérence aux interventions. J'ai dit cohérence et non pas cohésion, et a permis d'organiser des discussions justement nourries tout au long du colloque. La richesse et la vigueur des discussions, même si elle, je dirais, ce matin peut-être un petit peu de fatigue commence à se faire sentir. La richesse et la vigueur des discussions ont clairement montré, si besoin était, que l'objectif était totalement atteint. Je me répète, j'ai bien dit cohérence et non pas cohésion, car loin d'être concordantes et uniformes, les propositions, les observations, les remarques, dans leurs différences d'approche, ça c'est, je pense, là aussi un élément de succès, de point de vue, mais aussi de compréhension ou d'interprétation, ont contribué à faire évoluer la proposition initiale, ce qui est bien l'un des buts d'un colloque. Sinon, ce ne serait pas la peine de nous réunir, il suffirait de collecter quelques papiers et de les publier en l'état. Susciter des confrontations pour mettre à l'épreuve une proposition dans l'espoir d'une meilleure compréhension de l'objet soumis à l'investigation, c'est bien l'objet idéal d'un colloque tel que celui-là. Et dans l'idéal, c'est ce déplacement que devraient mettre en évidence les conclusions dont vous m'avez confié la charge. Je dis bien devrait, car ce sont des réactions encore à chaud que je vais vous proposer. On a beau reprendre, j'ai pris une trentaine de pages de notes serrées, j'ai tenté de les relire dans la nuit, je n'y suis pas arrivé. À l'aube, je ne dis pas à l'aube, non, je n'ai aucune crainte, j'ai dormi quand même. On se dit qu'un peu plus de temps de réflexion permettrait, je dirais de façon plus synthétique, plus structurée, de proposer des conclusions. Mon rôle, me semble-t-il, c'est, face à l'extraordinaire richesse documentaire, à l'extraordinaire profondeur de réflexion, d'apparaître schématique, d'apurer, de simplifier, sans excès, je l'espère, pour tracer quelques grandes lignes de fuite et quelques perspectives, car un colloque, c'est aussi, ça ouvre sur un avenir, c'est ce que l'on devrait faire par la suite. Alors, l'exercice a été facilité, je dois le dire, par les discutants qui, les uns après les autres, se sont déjà livrés pour chacune des sessions à un exercice de ce genre. Et j'ai tiré grand profit de leurs observations et des suggestions de ceux qui, d'une certaine façon, ont coproduit mes conclusions. Un regret, je dirais, je l'ai déjà dit, mais je le redis clairement, celui de ne pas avoir eu plus de temps pour reprendre systématiquement et à tête reposée les innombrables apports de ces interventions, les avoir réfléchis, confrontés, articulés, car je dois dire que j'ai énormément appris au cours de ces 2 jours et je vous en remercie très sincèrement. Pour simplifier l'exercice, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je ne citerai pas personnellement les intervenants. ils sont trop nombreux. Il mettrait en évidence, bien sûr, ceux qui ne sont pas cités, non pas parce qu'ils ne sont, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais parce que je n'ai pas trouvé moyen immédiatement de les raccrocher à quelques observations générales. Je reconnais que ce n'est peut-être pas une façon habituelle et que certains en seront peut-être même choqués, car il est tradition de s'efforcer de reconnaître à chacun ce qu'il est convaincu qu'il lui appartient. Dans un petit monde de forte interconnaissance, je sais que chacun reconnaîtra les positions ou les analyses propres aux uns et aux autres, donc je n'ai pas de souci sur l'identification des propositions. Mais ce choix renvoie aussi à une autre intention, nous rappeler les dynamiques collectives des processus intellectuels. Même si chacun signe ses propres travaux et assume ses propres responsabilités, il ne cesse de reconnaître à travers ses notes et ses références ce qu'il doit aux autres et de fait à beaucoup d'autres. Ne serait-ce que pour s'opposer à eux, hein, pas forcément pour reconnaître des accords. Et ce que je vous propose est aujourd'hui typiquement le produit d'un travail collectif spécifique, celui qui peut se produire, celui qui peut produire, celui, pardon, que peut produire un colloque qui, malgré la chaleur qu'à certains moments ont pu connaître l'assistance, n'est sans doute pas un foyer. Car même s'il a mobilisé pour être organisé diverses institutions et des réseaux multiples, il appartient plus à la catégorie de ces événements spectacles, plus uniques qu'éphémères, où une assistance composée en partie d'acteurs n'a cessé d'interagir avec ceux d'entre eux qui, par moment, avaient à l'avance accepté eux aussi de performer. Pour la clarté de l'exercice, j'ai été un peu confus, excusez-moi, je vous propose trois focus successifs qui n'ont rien de très original, mais qui devraient permettre à la fois de faire le pont avec la présentation initiale de jeudi matin, pour nous la rappeler peut-être, et de situer le colloque dans les travaux sur la société de cour et sur l'absolutisme, qui me semble être, au-delà des objets qui nous rassemblent, être le lieu où se situent les préoccupations de ce colloque. Tout d'abord, bien évidemment, il faut reprendre la proposition de foyer. Alors, je ne vais pas la repasser à la critique, ça a été fait. J'ai été convaincu dès l'origine, je dois dire, de la force heuristique de la notion. C'est un terme déjà en usage, on a rappelé, Rémy Campos l'a fait, excusez-moi, je cite un nom, je n'aurais pas dû le faire, je contreviens immédiatement au principe que je me suis donné. Ça a été fait dès le début. C'est un terme qui existe dans la littérature, qui n'est pas lourdement lesté théoriquement, ça a bien été mis en évidence, mais qui est suffisamment spécifique pour nous obliger tous à le mettre à l'épreuve de nos travaux. Alors, dans une grande enquête conduite avec des collègues français et italiens dans les années 90, nous avions commencé il y a une vingtaine d'années par rapport à aujourd'hui, elle a été publiée il y a une dizaine d'années, qui était consacrée à la vie intellectuelle dans trois capitales de la péninsule au XVIIe et au XVIIIe siècle, à Naples, à Rome et à Florence. Nous avions collectivement choisi le terme de milieux intellectuels pour articuler production intellectuelle, sociabilité savante, le plus souvent très précisément localisée, et caractérisation sociale de ceux qui y participaient. Au cœur de nos préoccupations, nous avions mis les formes sociales du lien intellectuel, plus que les productions d'œuvres de l'esprit. D'où certaines analyses communes avec celles de ce colloque. Je pense par exemple, et j'ai suivi attentivement la démonstration, à la notion de professionnalisation, qui a permis hier de mettre en lumière une des manifestations du choc frontal entre la cour et la ville, c'est-à-dire la nécessaire redéfinition du travail musical dans la capitale du royaume, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et les conflits qu'elle n'a cessé de susciter. Nous avions aussi tenté certaines approches en termes de topographie urbaine, pour y renoncer certes à cause de difficultés documentaires, mais surtout pour privilégier la comparaison entre les trois capitales, Naples, Rome et Florence. Le problème de la comparaison dans le colloque d'aujourd'hui étant moins vif, les questions de topographie qui ont été évoquées, sur lesquelles je vais revenir, me semblent au contraire prendre de l'importance. Foyer, milieu, pardon, la notion était certes moins dynamique, et c'est là, je pense, un des apports essentiels de cette notion de foyer. Plus encore, elle ne permettait pas de prendre en considération les formes de confrontation entre groupes, mais aussi entre individus, qui constituent l'un des moteurs des dynamiques curiales et sur lesquelles je voudrais revenir brièvement tout à l'heure. Foyer me semble donc une proposition à la fois inventive et raisonnée, argumentée, et nous pouvons désormais le dire après 2 jours et demi de travaux, féconde, car elle nous a permis, ici même, d'exposer des analyses de cas très fouillées, sans jamais exclure une réflexion plus, disons, conceptuelle, indispensable à toute confrontation interprétative. Elle s'est révélée une sorte de contrainte invitant à l'invention, car en filant la métaphore, certains en ont élargi le champ d'application, d'autres ont été simplement conduits à mieux expliciter leurs analyses, certains enfin ont suggéré quelques alternatives. Mais ces alternatives, je dirais, sont moins pour contester frontalement la proposition initiale que pour l'affiner. Je pense très précisément à l'intérêt que pourrait avoir l'articulation de la notion de foyer aux analyses en termes de réseau, et ce sera un des points que je voudrais développer. Le principal effet de la réflexion qui a été placée au cœur de cette rencontre est d'opérer, à mon sens, ou de participer à, un véritable retournement historiographique. Foyer, la notion de foyer, installe au centre des discussions ce qui a été longtemps considéré comme des réalités périphériques, des échos, des reflets ou des substituts imparfaits et très secondaires de ce qui se passait au centre. Tout ce qui, pendant longtemps, a été considéré comme des lieux ou des manifestations satellites, le terme a été employé à plusieurs reprises, des manifestations privées, avec toutes les difficultés que pose toujours l'usage de ce terme, qui a été utilisé tout en étant discuté, c'est une discussion, je dirais, récurrente désormais depuis quelques décennies. Tout cela a été réinstallé, tout cela retrouve ici sa place. Comprenons-nous bien, ce colloque n'est pas un moment où on ferait sortir de l'ombre des réalités qui ne seraient pas étudiées. Elles ont été individuellement, souvent déjà, elles ont fait l'objet de publications importantes, réalité qui aurait été pendant longtemps, je dirais, invisible, car se déroulant dans tel ou tel hôtel parisien ou telle ou telle résidence de campagne. Ce colloque leur donne un statut nouveau, appelant peut-être à un autre renversement historiographique. Les années de Louis XIV ont traditionnellement été placées sous l'éclairage de la cour et donc de Versailles. Versailles comme but à atteindre, comme tension, c'est les premières années du règne personnel, comme réalité en construction, puis comme centre stabilisé et donné comme rayonnant. Alors que, au XVIIIe siècle, l'historiographie a mis au cœur de ses préoccupations, non la cour, mais le monde des salons et des institutions parisiennes. Revenons donc à nos foyers. J'ai bien mis foyer au pluriel, car c'est un des buts immédiats de ce colloque, passer d'une version, disons, versaillo-centrée à un polycentrisme qu'il faut d'abord décrire et inventorier. Certains pourront d'ailleurs se plaindre du caractère encore très partiel de cet inventaire. C'est encourageant, c'est un point de départ, et nous avons encore à travailler, c'est toujours une perspective dynamisante. Or, ce passage donc, a bien justement des effets dynamisants. Et je ne peux m'empêcher ici de faire un parallèle qui a sûrement dû jouer dans la réflexion des organisateurs. Les approches de la Rome des XVIIe et XVIIIe siècles ont connu, dans les dernières décennies, disons depuis la fin des années 80, une transformation radicale quand les études ont introduit l'incroyable polycentrisme romain qui, pour beaucoup d'historiens comme moi, est désormais devenu un modèle. Les cours cardinalis, les innombrables collèges, couvents, palais aristocratiques, ont transformé un paysage qui auparavant était donné comme un lieu de contrôle et de stérilisation intellectuelle, le moment, la période noire de Rome, pour en faire désormais, totalement à l'inverse, un espace de liberté et d'innovation, un temps même, je dirais dans le second XVIIe siècle, considéré, et les travaux d'Antonella Romano et du groupe qu'elle a animé pendant plusieurs années, pour faire de Rome une des capitales européennes de la science dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors, quelques points sur lesquels je voudrais revenir peut-être de façon plus précise. Foyer. Il y a eu au départ l'idée de topographie. Moi, j'irais même jusqu'à... Alors, on ne nous l'a pas proposé. J'irais même jusqu'à la cartographie de ces foyers. Et je pense qu'une cartographie, c'est-à-dire une projection sur... l'espace non seulement physique mais, et matériel, mais également humain, social, de l'Île-de-France du début du XVIIIe siècle, serait quelque chose d'important et qui nous apporterait sans doute d'autres éléments de compréhension à travers la visualisation. Nous avons de très très bonnes topographies franciliennes. Je pense immédiatement aux cartes du capitaine Roussel ou de l'abbé Jean de la Griffe, qui est le géographe ordinaire de la ville de Paris, qui date tout début des années 1730 et qui nous offre une image extrêmement précise de ce que c'est l'île de France, avec ses résidences, ses forêts, ses voies de communication, ses chemins de différentes tailles, et qui déjà constitue à faire de l'espace un espace réticulé, un espace qui est innervé par des réseaux multiples, qui nous aiderait sans doute à comprendre des connexions qui sont bien évidemment des connexions sociales ou politiques, mais aussi des connexions matérielles. La carte, ces deux cartes-là ont d'ailleurs l'avantage de ne pas privilégier la ville contre la campagne ou vice-versa, mais de cartographier à la même échelle, ce qui peut poser problème aussi, à la même échelle, l'espace urbain et l'espace périurbain. Quel lieu faire figurer? Ça, c'est une question majeure pour avancer, et qui me semble au cœur du choix de la notion de foyer. Ici, le choix qui a été fait dans le colloque, je le comprends, et en même temps, il peut, je dirais, laisser quelques insatisfactions, c'est celui du patronage aristocratique. Et je reprends bien ici la distinction qui a été faite récemment dans les travaux tout à fait importants entre mécénat et patronage, car je pense que patronage est une notion qui porte sur des interrelations entre individus et non pas sur des productions qui seraient le produit du mécénat, et donc est une notion beaucoup plus active et dynamique. La localisation ne permet pas nécessairement une caractérisation. C'est là où, je dirais, la cartographie permet déjà, est aussi non seulement un outil de visualisation, mais est aussi un instrument critique. Les hôtels parisiens, qui sont bien évidemment des éléments de la cour, mais tout en étant dans la ville, sans doute, ça nous permet de conduire à une critique des catégories qui structurent les représentations de l'époque et qui ne peuvent devenir des catégories analytiques. Alors, je dis que faire figurer là-dedans? Et dans ce cadre, moi, il y a une question centrale. Je dirais, les institutions ecclésiastiques ont été, je dirais, dès le départ, écartées. C'est un principe qui me semble assurer une meilleure cohésion. Et en même temps, on a cessé de les citer tout au long du colloque. On a cessé de les citer. Même si elles ont été, je dirais, donc, pour des raisons évidentes, de meilleure focalisation des contributions. Car elles ont joué un rôle absolument décisif dans la professionnalisation, dans les carrières, dans la création de liens. Alors, on a parlé hier à plusieurs reprises de Campra, dont la carrière, à ses débuts, est très étroitement liée à des charges d'église. Et je me demandais s'il ne fallait pas justement chercher des vecteurs de sa mobilité. On a dit que, bon, on n'avait pas trouvé de traces de qu'est-ce qui alimentait ça dans les réseaux ecclésiastiques. Je fais un parallèle que je connais bien avec un intellectuel important du milieu gouvernant Louis XIVien, qui est Étienne Baluze. C'est un juriste spécialiste de patristique et en même temps un grand historien des institutions ecclésiastiques et politiques du Moyen Âge, qui est le bibliothécaire, mais en même temps la petite main et l'organisateur des dossiers de Colbert, qui sera professeur de droit canon au Collège Royal, dont il dirigera au début du XVIIIe siècle. Colbert débute comme le secrétaire de l'archevêque de Toulouse, Pierre de Marca, qui devient de façon éphémère archevêque de Paris. Il est nommé par le roi, mais la nomination n'est pas validée par le pape. Il meurt entre les deux. Et lorsque l'on lit la correspondance de Baluze, on est étonné de voir que Baluze correspond directement en lieu et place de son propre maître. Les lettres sont adressées à Monseigneur de Marca. Et c'est Baluze qui les lit, et c'est Baluze qui répond et qui signe Baluze, alors que c'est son maître. En son lieu et maître, avec un très grand nombre d'évêques, et réunis grâce à cette correspondance, une collection étonnante de bénéfices répandus à travers le royaume, qui en gros sa sécurité pour vivre. Alors, ces institutions constituent-elles pour autant des foyers artistiques? Bon, on a longtemps parlé de toutes les maîtrises, les maîtres de chapelle de Paris et des grandes villes. C'est une question importante. Est-ce que ces charges sont à l'origine, ou ces institutions sont à l'origine de foyers? Je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas réduire foyer à une institution, et c'est là où les données sociales sont beaucoup plus importantes. Bien. Deuxième élément, donc là j'ai été sur la cartographie des foyers, et sur la réflexion sur le foyer, la cartographie des acteurs. Et c'est sans doute là, il ne faut pas le confondre. Alors, les foyers sont bien évidemment, je l'ai dit avec la métaphore ou la réalité des routes, des chemins de l'Île-de-France. des lieux qui sont connectés les uns aux autres. On l'a très bien vu, on se déplace de l'un à l'autre, le roi voyage, sur le chemin de Fontainebleau, il s'arrête à Sceaux, etc. Bon, on est en permanence dans des histoires de connexion, c'est évident. Sont-ils pour autant des éléments d'un réseau objectif? Je ne pense pas, mais ils sont interconnectés. Bien. Et donc, tout dépend du sens que l'on donne à réseau. Est-ce que c'est une construction volontaire ou est-ce que c'est l'ensemble des relations qu'un individu ou qu'une institution détient? Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intention derrière la notion de réseau. C'est important. Et tout ça fait partie un peu des malentendus ou des ambiguïtés de la notion et en même temps de sa souplesse et donc de sa richesse. Cartographie des acteurs, je reviens. Et donc, je dis, c'est sans doute là où la notion de réseau devrait intervenir, elle devrait beaucoup apporter, y compris à la notion de foyer. Ces foyers, en effet, ne sont pas séparés les uns des autres, parce qu'ils sont liés par des relations entre les patrons qui sont dans leur centre, parce qu'ils sont liés par des chemins qui permettent de voyager de l'un à l'autre. Pas simplement parce qu'ils se regardent les uns les autres, se pensent les uns par rapport aux autres, selon des principes qui ne sont pas simplement de concurrence, d'opposition ou de résistance, mais aussi d'imitation. Alors, j'allais dire imitation qui n'est pas servile, mais une imitation noble et honorable. Je pense que j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, frappé par la belle formule de Saint-Simon qui a été citée hier à propos, je crois, du duc d'Antin vers 1705. J'ai peut-être pu faire une erreur dans mes notes, où le duc avait donné pour le roi la messe de roi qui convenait à un bon courtisan. Donc, une imitation, mais qui valorise immédiatement le courtisan et qui montre la place qu'il peut occuper. Donc, c'est une valorisation qui. C'est une imitation qui distingue. Hein, donc, voilà. Mais aussi parce que il y a une mobilisation des acteurs artistiques qui peuvent participer à divers mondes. Et là, c'est un point très fort sur lequel je pense qu'il faudra poursuivre les travaux, qui a suscité une très grande unanimité, enfin, ou du moins des points convergents, des remarques très convergentes de beaucoup de communications. La notion de service d'un patron, qui me semblait quelque chose de fondamental dans la compréhension de l'organisation d'un univers aristocratique dès lors qu'on le pense à partir d'un patron. Hein. La maison du prince de Condé, par exemple, du duc de Condé, il y a un certain nombre d'artistes qui sont, l'expression est la même, serviteurs. Je parlais de Baluse, Baluse, dit Chapelain, est le serviteur de Colbert. Hein, donc c'est très clair. C'est un membre de la maison. Et c'est quelqu'un qui est en position de rendre un service, hein, au sens fonctionnel du mot serviteur. Chez nous, il a une fonction un peu de hiérarchisation, mais là, c'est plutôt l'expression de la fonctionnalité de la personne. Le prestige que le service donne à certains acteurs devient, on l'a très bien senti à travers de nombreuses communications, lui permet d'acquérir des formes de liberté qui lui permet, comme Arlequin dans la comédie, de servir plusieurs maîtres, d'utiliser diverses ressources. Alors, je prends quelques exemples juste pour le plaisir de dire tout ce que j'ai appris. Nicolas Bernier, qui compose en style plutôt italien pour le duc d'Orléans et en style plutôt français pour la duchesse du Maine, ce qui ne l'empêche pas si je n'ai pas fait d'erreur dans mes notes, de dédicacer son premier livre de motets en 1703 au duc de Bourgogne et son second livre en 1713, Anne de Noailles, le comte d'Ayen, qui est proche également à ce moment-là de l'archevêque de Paris, etc. Donc, on a aussi mentionné l'extraordinaire réseau de relations et de protections décrypté à travers les allusions, les dédicaces et les allusions dans la musique. Donc le réseau de protection dont a su jouir François Couperin, on l'a encore redémontré très brillamment ce matin à travers divers exemples, donc je ne vais pas y revenir. Donc si les réseaux sont bien indispensables, c'est pour bien comprendre la complexité de ces mondes artistiques, pour reprendre en la décalant un petit peu les mondes de l'art du sociologue Howard Baker, j'ai été étonné de ne pas entendre citer, qui me semble quelqu'un qui a bien essayé de formaliser les problèmes complexes qu'organise, enfin que suscite à la fois la production et la performance artistique. Ces mondes artistiques qui organisent de nombreux foyers pour cerner ces mondes, et ce matin ça a été très, très clairement été fait l'ouverture de cette malle merveilleuse que tout le monde a enviée. Donc, je me joins à la jalousie de chacun d'entre nous pour cerner donc ces mondes à partir des expériences des artistes. Donc là, c'est bien, je dirais, le point de vue le foyer part du patron, mais on ne peut pas parler du patron sans se poser la question de ce que vise, de ce que ressent, de ce que construit l'artiste ou le serviteur, disons, voilà. Mais les approches qu'il requiert n'est pas celle donc qui avaient été choisis pour amorcer cette exploration, mais qui ne sont de façon évidente absolument pas interdites par l'approche proposée. Une simple idée de ce que pourrait donner ce type d'approche, sans aucun doute complexe, en reprenant de façon très grossière et trop rapide quelques données qui ont été évoquées par les uns ou les autres pour qualifier ce monde artistique parisien, alors il a été réduit ici à l'univers musical, de la fin du XVIIe siècle. Je pense que si on le comparait à l'échelle européenne, c'est sans doute un des foyers. Alors, là, j'entends foyer comme une métaphore, l'univers des univers, un des foyers européens majeurs et dominants. On a parlé hier de 750 musiciens actifs à la fin du XVIIe siècle, dont, si je ne fais pas d'erreur, quelques 300 seraient directement au service du roi. Alors c'est le problème du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Ce n'est qu'une moitié, mais c'est une moitié. Alors, je ne veux pas reprendre tout ce qui a été dit sur la position désirée du statut de musicien du roi, sur le fait que ces musiciens du roi sont aussi des musiciens qui jouent, qui sont au service d'un très grand nombre de gens, et donc la complexité de frontières qui ne sont pas poreuses, même si le statut est un statut parfaitement désiré et recherché. Comment, dès lors, je dirais, et c'est là la question que je me pose, à partir de ce large, très large groupe professionnel, un groupe considérable, avec ses tensions propres, puisqu'ils ne sont pas forcément liés aux tensions liées au patronage, se constituent des foyers artistiques à partir des liens multiples, qui sont des termes en termes de protection, en termes de services, en termes de marché du travail, mais aussi en termes de ressources financières, de ressources symboliques, etc. C'est donc vaste programme, on l'a déjà dit hier, je ne répète pas la formule du général. Bien. Deuxième point sur lequel je ne voudrais pas prolonger trop longuement ce colloque, c'est la question de la société de cours. Alors, on a plusieurs d'entre vous ont fait allusion, je dirais, alors, bien évidemment, aux travaux, aux livres qui existent sur la cour de France, qui ne sont pas si nombreux que cela. Déjà, les livres vraiment intéressants et qui nous permettent de bien comprendre comment fonctionne la cour de France, ou les cours qui forment la cour de France. Et puis, bon, les références sociologiques, je dirais, traditionnelles qui viennent immédiatement. La société de cours, c'est une société étrange, je dirais, qui, d'une part, depuis la Renaissance, si on en fait une généalogie, je dirais, elle s'ancre dans le portrait extraordinaire du courtisan de Baldassare et Castiglione, qui part d'une petite cour italienne. Et le portrait, je dirais que ce matin on a mis en avant les ressources du dialogue et des propositions dialogiques, c'est une forme de la Renaissance, ça s'ancre dans le dialogue humaniste, qui permet, alors c'est peut-être pas ce que fait le cerf de la vieille ville, mais qui permet à l'origine d'exprimer justement la totalité, enfin un vaste éventail de prises de position pour permettre d'en valoriser certaines, mais en laissant une certaine liberté au lecteur. Donc la société de cours, telle qu'elle s'est constituée à partir de la Renaissance, c'est un ensemble de valeurs partagées, et fortement partagées, dans lequel, je dirais, on a là un modèle très fort, hein, mais qui, paradoxalement, valorise la nécessité de la distinction, dans les deux sens du terme, vous savez, pour reprendre des remarques plus récentes. Alors, mon premier point, je ferai deux ou trois points sur ce problème de la société de cours. Le premier point que je voudrais, c'est de reprendre une proposition qui n'a pas été citée, qui est au cœur du petit essai de Norbert Elias. Alors, Norbert Elias, ça irrite toujours les historiens, parce que c'est un livre qui est construit, comme vous le savez, sur deux sources, qui est Lavis et Saint-Simon. Bon, voilà. Bon. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre qui tente de nous apporter de l'histoire sur la cour de Versailles. C'est simplement un livre qui tente de modaliser des formes de liens sociaux et d'interactions entre les individus qui sont une cour. Et Elias a pris ce qu'il avait sous la main dans l'Allemagne des années 20, l'Allemagne implique de Weimar. Il n'a pas cherché à faire d'enquête érudite, ce que nous savons faire, ce que lui ne voulait pas faire et ne savait peut-être pas faire. Et en revanche, il nous propose un certain nombre de propositions, et une qui me semble extrêmement forte. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui vont de soi, la cour est un système hiérarchisé, fait toute une série de choses, mais Il y en a une qui est intéressante pour nous parce que c'est une notion qui permet d'introduire de la, je dirais, de la dynamique dans une version qui pourrait être plus hiératique de la société de cours. C'est la notion qu'il appelle de configuration. Alors, configuration, c'est un mot banal qu'on peut employer facilement, mais dans le sens d'Elia, c'est quelque chose de très précis. La cour est un système d'acteurs qui sont en interaction permanente les uns avec les autres. Ce sont des gens qui se regardent, qui s'observent, qui se voient, et qui se voient sous le regard de quelqu'un qui a une position bien évidemment centrale, qui est le roi. Un regard supérieur, qui est le roi, qui est le substitut de Dieu sur terre, qui lui aussi, comme vous le savez, dans les gravures de l'âge classique, est représenté par un œil dans un triangle. Donc, et le roi a un regard, bien évidemment, le regard du roi est un regard extrêmement important. Et donc, chaque action d'un courtisan se fait sous le regard des autres, qui agissent eux aussi en sachant qu'ils sont regardés. Et bien évidemment, sous le regard du roi, comme je l'ai déjà dit. Alors, cela donne immédiatement une idée dynamique de la cour. C'est pas des, on ne reproduit pas forcément des conduites, même s'il faut répondre aux valeurs partagées, comme j'ai dit. Mais dans ce jeu-là, bien évidemment, c'est comme un jeu d'échecs. On essaie d'avancer, on essaie de mieux se situer, on essaie de se rapprocher du roi. On fait des coups. C'est un peu le terme qu'emploie Elias. Et donc, c'est dans ces jeux de coups que fait le courtisan que se joue toute une dynamique de la cour extrêmement complexe et que l'on va pouvoir retrouver dans la deuxième proposition, qui me semble une proposition elle aussi intéressante. Alors, c'est un schéma qui vaut pour une cour située avec des acteurs, mais qu'on pourrait aussi reprendre à l'échelle de ces foyers, considérés comme des acteurs collectifs qui se regardent les uns les autres, en sachant que le roi les regarde, ou que peut-être le roi les regarde, parce que le roi ne les regarde pas forcément tout le temps, il ne sait pas un œil omniprésent, mais qui ont conscience ou qui ont intériorisé l'existence du regard du roi. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que cette notion de foyer élargit la société de cour telle que Elias la voit, qui est une société dans un lieu unique, dans une complexité beaucoup plus large, et que je pense qu'on pourrait tirer profit déjà de cette notion de configuration en la dilatant un petit peu, en l'assouplissant. Deuxième point, on a fait mention, et j'en étais très heureux, à deux ou trois reprises, du fameux texte de Saint-Simon, dont j'ai oublié la date, des années 1708, 1709, me semble-t-il. Je peux me tromper, vous me corrigerez, qui a donné à le roi Ladurie sa proposition extrêmement forte pour comprendre la cour, du moins pour comprendre les conflictualités de la cour dans les années 1700. C'est un article relativement ancien, puisqu'il est paru, je crois, en 76, 77, dans une revue provinciale parue Aix-en-Provence, qui était un petit volume, un petit recueil d'articles en l'honneur de Georges Duby, qui a été assez longtemps en résidence à Aix. Et Saint-Simon propose de comprendre la cour comme un jeu de cabale, et le mot vient de Saint-Simon. Donc, c'est-à-dire de regroupements non institutionnels, peu formalisés, qui unifient des individus, enfin, qui réunit des individus autour de positions et qui finissent par exprimer quelque chose qui importe politiquement. Donc le terme est flou, hein, ça peut être des conflits d'ordre divers. L'intérêt de la chose, c'est que le politique n'est pas premier. Ce qui est premier, ce sont les jeux de pouvoir qui sont suscités par l'introduction de la temporalité dans la cour. Car en fait, les cabales sont une affaire de temps, puisqu'elles sont une affaire de génération. Et là, plusieurs l'ont cité. Le rôle des générations est très important. Et on le sait très bien qu'en histoire culturelle, les générations sont quelque chose d'extrêmement fondamental. Alors, ces cabales, elles sont organisées bien sûr au niveau des trois générations que nous a longuement décrit Gérard Sabatier hier soir en visitant l'exposition sur la mort du roi. Le roi, son fils, son petit-fils, et puis également son arrière-petit-fils qui arrive beaucoup plus tard, mais qui n'est pas dans la région de Saint-Simon, puisque le texte est un petit peu antérieur. Il doit être encore au berceau, et donc il a quelques difficultés pour coaliser une cabale. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire qu'il y ait une opposition qui est immédiatement politique. Cela veut dire qu'il y a des paris qui sont faits sur l'avenir et que l'on va essayer de s'associer à quelqu'un qui va peut-être devenir le roi. Et bien sûr, ça ne veut surtout pas dire qu'on pense tous pareil. Il y a des écarts considérables dans la cour, il y a des divergences, on n'est pas tout à fait d'accord avec la politique du roi. Il y a du politique, mais le politique se greffe et se structure non pas sur la proposition politique, mais sur la capacité que cette proposition politique soit portée sur le futur acteur du politique, qui est le futur souverain. D'où les jeux de paris, les paris qui sont faits et qui tous vont échouer, puisque tous vont mourir dans ces années terribles pour la monarchie, donc des années 1710 où la grande faucheuse rentre en activité. Donc, je pense qu'il y a deux intérêts au schéma de Leroy Ladurie. C'est l'introduction d'une temporalité dans ce que Leroy Ladurie appelle le système de la cour. J'aime pas trop le mot système parce que je trouve que ça le rigidifie trop. C'est pas un système, c'est un... Je sais pas, j'ai pas de terme pour le définir, je vous laisse le choix, on pourra y réfléchir. Donc il est un système naturel de la cour, puisqu'il y a... Je vais y revenir, cela rentre dans les structures normales de toutes les cours européennes, des maisons qui sont organisées autour des différents membres de la famille régnante, et donc dans lequel il y a des formes bien évidemment de cohésion et en même temps une nécessaire distinction, puisque comme je l'ai dit, la distinction est un des principes fondamentaux de la société de cour. Donc introduction d'une temporalité, je n'y reviens pas, mais en même temps cette temporalité ne crée pas des mondes qui s'excluent les uns les autres, qui sont fermés les uns sur les autres. Ce que montre le schéma de Leroy Ladurie, qui est extraordinaire, c'est une espèce de nuage d'atomes qui tournent dans tous les sens, sur les trajectoires, enfin, c'est pas tout à fait au hasard. Mais il y a des connexions multiples qui sont variables dans le temps, dans l'espace, selon les enjeux. Et ces électrons innombrables ne sont pas des électrons justement physiques, ils ne sont pas sur une trajectoire fixe, ils sont sur une trajectoire modulable. Et c'est là où rentrent bien évidemment en jeu toutes les interconnexions, les négociations qu'il peut y avoir dans le système de la cour. Donc si je me résume, je dirais polycentrisme plus cabale, c'est la production de diversité, de différence, pas nécessairement d'opposition. Et je dirais, là je serais très prudent, bon, il y a toute une littérature qui vient notamment du grand livre de Rotkrug sur l'opposition à Louis XIV, bien évidemment que tout pouvoir suscite des oppositions. En même temps, on est dans un monde où les conflits très graves ont eu des effets traumatiques. La Fronde, c'est quasiment le plus jamais ça de l'entre-deux-guerres. Enfin bon, le plus jamais ça de l'entre-deux-guerres conduit, comme vous le savez, vers des choses que les gens ne voulaient pas forcément. Donc, il y a certes de l'opposition, mais ne partons pas de l'opposition. Cherchons au contraire comment de la différence, de la diversité, de la distinction créent nécessairement des formes qui peuvent être situées. On peut être opposant sur tel point ou en tel endroit et peut-être assister en même temps à une grand-messe solennelle ou à une fête de cour, sans pour autant qu'on ait des conduites monolithiques et linéaires. On le voit très bien au niveau du service des artistes, ils ne sont pas monolithiques, ils peuvent pratiquer des genres différents, ils peuvent servir des instances différentes et utiliser ça comme ressource pour peut-être construire une carrière ou une position. Dernier point sur lequel je voudrais revenir, et je m'arrêterai là-dessus, et je serai relativement bref parce que le point est trop large pour être abordé en quelques minutes, c'est je pense que ce colloque s'inscrit très fortement et apporte une pierre fondamentale à la façon dont, depuis quelque temps, on repense, on retravaille ce qu'est l'absolutisme français, ou ce qu'est l'absolutisme à la française. Non pas pour contester l'absolutisme, le terme existe, alors il y a des livres entiers sur le terme lui-même, la monarchie a donné cette représentation, les historiens l'ont examiné, mais comment il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne tel que le roi le dit, ou tel que le roi le montre, ou tel que Versailles ne nous laisserait croire? Ou est-ce qu'il fonctionne autrement? Alors je dirais qu'on est... Les différentes mises en perspective historiographiques qui ont été données au tout début et au courant du colloque ont bien montré cela. Les historiens construisent leurs objets selon des points de vue, parce qu'ils sont pris dans des débats, ils répondent à des questions, comme on dit, sociétales de nos jours, qui peuvent varier. Je dirais qu'il est évident que la puissance matérielle du château, hein, la réalité de cette masse imposante, a exercé et exerce toujours, et pas seulement à Versailles, mais au loin, une empreinte considérable sur la production historiographique. Donc, mon but n'est surtout pas de passer à l'opposé, de faire de l'opposition radicale, mais d'essayer de comprendre de plus en plus finement. Je pense que c'est, je dirais, dans les années récentes, ce qui a beaucoup joué dans l'historiographie, d'arrêter les grandes polémiques frontales où chacun durcit des positions extrêmes, pour essayer au contraire de mieux comprendre de façon fine ce qui se passe et d'essayer de mieux rendre compte, ou de mieux expliquer, enfin, tout dépend des termes que l'on utilise, ou de mieux interpréter les faits que l'on a réussi à mettre en évidence, à reconstruire. De façon certaine, premier élément moi, qui me semble important, et c'est pour ça que je dis que le colloque est au cœur du problème de l'absolutisme à la française, l'activité artistique est inséparable du fonctionnement concret du pouvoir royal en France. Nous acheminons vers l'exposition hier soir, je discutais de cela avec Gérard Sabatier, et je dirais on était immédiatement d'accord. Il y a une chose qu'il faut... Alors, en France, comme vous le savez, ça je dis ça pour ceux qui ne vivent pas en France... Nous avons l'idée d'un État extrêmement puissant que nous aurions hérité du colbertisme, etc. Sauf que cet État extrêmement puissant, ce n'est pas là pour le nier, il existe bien évidemment, il nous coûte très cher, et il est très présent. En même temps, il redistribue des ressources, et c'est en partie grâce à lui que ce colloque peut avoir lieu, par ses redistributions de manne. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout dans la vision manichéenne du monde. La technostructure de l'Ancien Régime est une technostructure très légère. Les bureaux de Versailles, c'est quelques dizaines, quelques centaines de commis, hein. 25 intendants en province, qui sont des gens très, très éloignés du roi, qui sont seuls, avec 5, 6, 7 personnes autour pour agir. Alors ils ont des pouvoirs, bien sûr, ils ont le pouvoir militaire, ils ont le pouvoir de police, ils ont le pouvoir de justice, ça c'est des pouvoirs qu'on leur a donnés. Encore faut-il le faire reconnaître et le faire accepter. Avec les années 1670, ce pouvoir fonctionne de façon, si on regarde les archives, on est étonné. Je fréquente assez régulièrement la série du contrôle général des finances dans lequel on a... une petite partie des lettres qui ont été reçues par Colbert et par ses successeurs venant des intendants de province, et on est étonné du lien. Une lettre par semaine, la lettre est reçue par un commis, le commis prend la lettre, qui fait en général 5, 4, 5, 6, 7, 8 pages, la résume en une fiche d'une dizaine de lignes que Colbert peut lire facilement, annote, la réponse aussitôt repart sur l'intendant, les réponses sont répétées, enfin, les questions sont suivies. Lorsqu'un problème est trop général, une circulaire part avec un nombre précis d'intendants, on a bien une machine bureaucratique très organisée, mais en même temps qui est très légère, très faible. Et si l'État fonctionne, c'est qu'il y a des représentations du pouvoir qui fonctionnent, si l'autorité est acceptée. C'est-à-dire que si on inclut dans la sphère d'État toute une série d'acteurs que nous ne mettrions pas directement dans l'État. Le curé de paroisse, c'est un acteur de l'État au XVIIe siècle. Alors, aussitôt, on change de dimension de la technostructure. Il n'est pas que ça, mais par moment, il intervient comme acteur de l'État. Il lit les ordonnances royales aux prêches dans l'Église, par exemple. Il est un officier d'État civil, même si c'est un État religieux. Il enregistre des baptêmes et tous ceux qui ne sont pas catholiques ne sont pas inclus dans ces enregistrements. Bref, les arts sont, et c'est bien connu, un élément fondamental d'exercice de l'absolutisme. Alors, c'est un moyen puissant d'imposer, je dirais, la reconnaissance de l'autorité sur le royaume. Alors, le choix qui a été fait par les organisateurs de la période est très intéressant. 1782 ou 83, 1715, je dirais, c'est un moment absolument paradoxal pour moi. Car c'est le moment où Versailles, désormais, est achevé. Donc, le roi est dit stabilisé. Je dis bien stabilisé parce qu'il continue un peu d'itinérance entre les résidences de l'île de France. Il va tous les ans, jusqu'au début des années 1790, faire la guerre. Il se rend sur les sièges dans le nord de la France. Hein. Donc, et en même temps, par rapport à ses prédécesseurs, il s'installe de façon durable dans un centre qui lui est proposé et qu'il ne partage plus avec une ville et que se développent ses nombreux foyers. Donc c'est une conception de centralisation. Et en même temps, c'est le moment où justement on voit tous ces foyers nombreux se développer. Où on nous a dit à plusieurs reprises que Versailles, entre guillemets, rayonne moins. Alors, je ne dis pas que c'est un astre mort, ce n'est pas le soleil noir, hein, ce n'est pas l'extinction des feux. C'est quelque chose d'un petit peu différent, mais dans lequel, justement, paradoxalement, au moment où le dispositif devrait fonctionner à plein, il fonctionne moins fort qu'il ne fonctionnait quand il n'était pas encore parfaitement établi. Donc c'est en ce sens-là que je pense qu'il y a un Versailles paradoxal. Si on lit beaucoup de livres, c'est une version assez classique, mais il faut le rappeler. Deuxième élément, je dirais que la monarchie et l'absolutisme, on le voit très très bien, fonctionnent sur un double discours. Un discours de représentation qui est celui de la domestication et de la toute-puissance royale. Pour revenir à hier soir, la belle série des médailles d'or que je pense que nous n'avions jamais vue auparavant, dans cet état-là, hein, en gros, ce que l'on appelle plus classiquement l'histoire métallique du règne, qui est la centralité du roi dans tout ce qui se passe dans l'histoire de son règne. Il est au centre de l'histoire du règne. Et en même temps, et là c'est une chose très banale désormais pour les historiens du social et du politique, puisque le paradigme dominant dans les travaux actuels, c'est celui de la collaboration. C'est-à-dire que Louis XIV installe son pouvoir personnel dans les années 1660, non pas en domestiquant et en écrasant les élites et tout ce qui peut servir de relais, mais en établissant quelque chose comme un pacte qui fait que dès lors qu'ils reconnaissent la puissance royale, ils acquièrent une puissance locale et régionale et personnelle qui leur est forte. Donc en gros, ils n'ont plus, c'est un changement important, c'est pas le statu quo, ils n'ont plus le pouvoir par le statut qu'ils avaient auparavant, d'eux-mêmes, mais ils ont désormais le pouvoir parce que le statut qu'ils avaient auparavant leur a été confirmé par le roi. Exactement la même chose lorsque le roi rentre dans une ville. Une entrée royale, c'est un moment de confirmation des privilèges. Et ce pacte de collaboration, c'est les travaux de William Blake et tous ceux qui ont suivi depuis. Alors, quand je dis c'est le paradigme désormais largement accepté, qui commence à être contesté. Mais je pense que ce modèle standard est un modèle intéressant et qui nous amène justement à penser différemment ces liens entre le centre versaillais et les multiples foyers qui ont pu se développer. Alors, quelques éléments et je conclue. Donc, je viens de le dire, une improbable domestication des noblesses provinciales et ce mécanisme de la collaboration. Deuxième point, je dirais, cela amène à rendre une certaine place à ce qui se passe en province, ou dans les provinces. Moi, je suis un provincial et je n'aime pas trop le mot la province. Je pense que c'est d'une certaine façon une emprise absolutiste sur notre façon de penser. Il faut mettre fin, et ça a été très bien fait hier par toute une série d'exemples qui proviennent, je dirais, des sources même de ce qui est au cœur, d'une certaine façon, du système d'information de l'absolutisme. Mettre fin au règne de Louis XIV comme une sorte de parenthèse. Alors, on a les travaux d'Alain Viala, qui, sur le premier XVIIe siècle, nous montrent une certaine vitalité académique, hein, dans les provinces. Viala, on avait repéré une vingtaine, mais je pense que des travaux très fins, localement construits, on trouverait beaucoup plus de cercles, de toutes ces formes de, je ne dirais pas cénacles, mais d'agrégations, de petits groupes qui construisent la vie intellectuelle et aussi artistique, parce qu'il ne faut pas mettre de limites strictes, dans les villes du royaume. Et si je vais de l'autre côté, le XVIIIe siècle, brusquement, pourquoi on aurait une floraison de concerts? Je l'avais fait il y a quelques années, le dictionnaire musical de François Lezur. On a une quarantaine de villes en France qui sont dotées d'un concert assez stable, alors plus ou moins stable, etc. Donc, voilà. Émergence brutale, ou au contraire, un moment d'obscurcissement lié justement à la trop forte exposition au soleil versaillais. Donc, de l'intérêt, je dirais, ancien pour les intendants, c'est-à-dire une construction de l'histoire nationale à partir du centre et la projection du roi, a actuellement un retour d'étude sur les gouverneurs. Les gouverneurs, c'est une structure très différente. C'est des formes de noblesse reconnues par le roi. Ça a été mis en place au XVIe siècle. C'est des grandes familles. Ils sont nommés à vie. Les intendants sont des commissaires qui sont nommés pour une période. Ils sont comme on dirait dans le langage bureaucratique français, en CDI, hein, et c'est une durée indéterminée, mais. Oui, enfin une durée indéterminée, mais. Faible, hein, dangereuse. C'est contraire, c'est une indétermination qui ne protège pas. Au contraire, là, les gouverneurs sont des gens qui sont à vie et qui transmettent leurs charges et qui créent autour d'eux une activité que l'on commence à entrevoir. Je pense aux travaux, par exemple, de Julian Swann sur la Bourgogne, dans lequel on voit les Condés, qui sont gouverneurs de Bourgogne, avoir une activité politique spécifique, avoir un rôle régional, avoir. Donc, comment peut-être s'organisent là encore des foyers et on il y a eu des pistes qui ont été lancées hier là-dessus, bien au-delà de Versailles. Et de ce point de vue-là, ce qui m'a intéressé hier, et alors en toute ignorance, je ne sais pas s'il y a des travaux qui permettent d'avoir une vision d'ensemble du problème, mais la vitalité méridionale comme voie d'introduction de forme musicale italienne, qui m'a semblé être le cas, me semble tout à fait intéressant. Si vous prenez les travaux de Jean-François Dubost et vous cartographiez ce que j'avais fait il y a quelques années, les évêques italiens en France, et ils sont très nombreux, vous avez un midi de la France, un pourtour méditerranéen qui tranche fantastiquement. On a cité le cas de l'archevêque de Narbonne, ce frère de ma part, qui est monseigneur de Bonsi, ou de Bonzi, comme on dit dans le scolaire francisé. En italien, c'est un florentin, c'est un Bonsi, une vieille famille aristocratique toscane. Il y a 5 générations de Bonsi sur le siège de Narbonne. Donc là, on a une permanence, et c'est des gens qui ont maintenu, lorsqu'on se plonge dans les archives du grand-duc de Toscane à Florence, on voit des courriers réguliers pour des raisons économiques, des trafics de finances, des circulations d'argent, mais aussi des personnes, des œuvres, toute une série de choses. Ce sont des milieux qui sont en contact direct avec l'Italie. Alors, est-ce que la province, je caricaturise exprès, retarde par rapport au centre versaillais, ou est-ce qu'on a au contraire des formes de circulation qu'il faudrait examiner? On a à plusieurs reprises cité un fameux maître de chapelle à Strasbourg. Donc on a quand même des gens extrêmement importants qui ne sont pas à Versailles et qui, sans doute, irriguent le royaume indépendamment des intentions ou des stratégies de pouvoir de la monarchie elle-même. Alors ma conclusion était assez simple. On est à Versailles, donc c'est peut-être le lieu pour le dire. Sommes-nous toujours sous l'emprise, alors je ne dirais pas du roi soleil, parce que j'ai appris depuis hier qu'il ne faut surtout pas dire ça pour le XVIIe siècle, c'est un moment très très très très bref de dénomination, et c'est une reprise de l'historiographie du XIXe siècle, sauf si j'ai bien compris la leçon du professeur hier soir. Et donc disons sous l'emprise du plus grand roi du monde, puisque c'est une phrase, elle, qui est régulièrement dans les textes du XVIIe siècle, et sous l'emprise de celui qui s'est efforcé de doter le royaume d'un centre puissant, visible, rayonnant, et donc a directement ou indirectement, et je dirais peut-être historiographiquement, contribué à provincialiser la France. Donc s'intéresser au foyer, qu'il soit francilien ou qu'il soit plus éloigné, c'est d'une certaine façon contribuer à mieux comprendre cette emprise en la desserrant. Je ne cherche surtout pas à éliminer le rôle de Louis XIV, qui est un rôle important, c'est pas mon but. Alors, je dirais que cette proposition a-t-elle un avenir? C'est à nouveau, je dirais, en quittant ce colloque comme foyer intellectuel, en continuant ces pistes que ce foyer vous a proposées, que vous pourrez peut-être, chez vous, enrichir nos réflexions. Merci.